ça fait plaisir, hein. ça fait je ne sais pas combien de mois, 5 mois qu'on ne s'était pas entendu, vous et moi. Et je dois avouer que j'ai le trac. Ah ouais, comme si je redémarrais une émission pour la première fois, alors que c'est la 532e édition de la saga des Fab Four. Je sais qu'on a gagné énormément d'auditeurs depuis cet été. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bouche à oreille, probablement, et tant mieux, quelque part, puisque vous avez été nombreux et nombreux. Je crois qu'il y a plus 75 membres dans le groupe la saga des Fab Four depuis le mois d'avril, quand j'ai arrêté. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci, ça fait plaisir. C'est une émission qui existe depuis 1984. Donc, entendons-nous bien, dans 2 ans, on va fêter les 40 ans de cette émission. Et j'espère que je serai encore là, j'espère que la radio sera encore là. Et j'espère que vous, surtout, vous serez encore là et que vous en aurez parlé à vos amis de façon à ce qu'on soit le plus nombreux et le plus nombreux possible. Voilà. À écouter cette émission qui est basée sur les Beatles, Paul, Ringo et George de 1962 jusqu'à nos jours. Il y a un album de la semaine. Oh, l'album de la semaine, c'est toujours le même quand je commence, quand je recommence la radio, puisque on fait une pause au mois de juin, fin juin en principe. Là, c'était différent. Je me suis fait opérer l'épaule, je ne pouvais plus me déplacer, donc j'ai arrêté de faire des émissions, puisque la radio est un petit peu loin de chez moi. Mais lorsqu'on redémarre en général, l'album de la semaine, c'est très, très, très souvent, oui, c'est ça, c'est le moyen de remettre la radio en marche. Et comment on met la radio en marche? On se cale sur la fréquence. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently been doing something.

Morceau, quel bel album que ce All Things Must Pass en 1970 de George Harrison. On attendait John Lennon ou Paul McCartney lorsque les Beatles se sont brisés le 10 avril 1970. Eh bien, celui qui s'en sort le plus cette année-là, c'est George Harrison avec cet album parce que, comme il l'a dit lui-même, il a été un peu coincé par les Beatles puisque les Beatles, à chaque fois qu'ils proposaient quelque chose, on lui disait « Ouais, c'est pas mal, mais attends, on va en caser une à nous et puis on verra après pour toi ». Bref, il avait une ou deux chansons par album et ça ne lui suffisait pas parce qu'avec le temps, il était devenu un excellent compositeur. Du coup, il a gardé tout ça et il les a ressortis dans « All Things Must Pass » et puis un peu plus tard également. C'est ce qui lui a fait dire que c'était un petit peu comme s'il avait été constipé et qu'une fois les Beatles séparés, eh bien, vous voyez, voilà, c'est sorti. On a écouté McCartney par deux fois volontairement, John Lennon, George Harrison. Il ne manque un Ringo Starr. Le voici de l'année 1970 avec cette belle chanson Bye Bye Blackbird sur l'album Sentimental Journey. RIG 90.7, la radio des Beatles. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye bye Blackbird. Somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Nous avons écouté McCartney, Lennon, Harrison, Starr. Qu'est-ce qu'il nous reste à entendre ? Eh bien, c'est le moment de faire une petite pause pour vous expliquer comment, pourquoi, vous pouvez tout savoir sur la saga des Fab Four, ça se voit que c'est la reprise, hein. Grâce à un seul site, le site de Beatles Magazine. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Bien compris, l'album de la semaine, c'est Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. Maintenant, beaucoup plus calme. Voici George Harrison par deux fois. Une fois avec les Beatles en 1969 et 10 ans plus tard, en 1979, le pendant de la première chanson, le contraire si vous le préférez, sur un album qui s'appelle George Harrison. Voici Here Comes the Sun, suivi de Here Comes the Moon, Monsieur George Harrison sur RIG. like a little brother to the sun. Oh, mother to the stars at night, and he is, and here he comes. He comes the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. He comes the moon. Chansons à l'opposé, Here Comes the Sun, Here Comes the Moon, mais le même auteur, monsieur George Harrison. Je vous propose de revenir du côté des Beatles en 1967 avec un coup de génie de John Lennon, oui. Il est le Morse, I am the Walrus. Elle n'a pas bougé cette chanson, elle était bonne en 1967, en 2022 elle reste incroyable. J'ai oublié de vous dire qu'il existe un restaurant, en tout cas sur Bordeaux, que je connais, qui s'appelle le Twist and Crêpe, qui diffuse tous les mercredis soirs la saga des Fab Four en direct dans le restaurant. C'est normal, puisque c'est un restaurant où t'aimes Beatles. Alors, si vous êtes en train de manger une crêpe au 329 cours de la Libération à Talence, eh bien, bonjour à vous, bon appétit, bonjour Madeleine, bonjour Diane, bonjour Fabrice. Et n'oubliez pas, la saga des Fab Four, c'est la seule émission sur les Beatles, le mercredi soir, sur 90.7 ou sur www.rgfm.fr. Thank you. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sort à la fin des années 70, en 79 pour être exact, une époque où le punk rock fait des ravages et relègue le groupe de McCartney dans la catégorie des dinosaures du rock. Le trio formé par McCartney, sa femme Linda et Danny Lane est renforcé par l'arrivée du guitariste Lawrence Joubert et du batteur Steve Holly pour enregistrer un album de rock brut, comme le prouve notamment le titre Old Siamser qu'on vient d'entendre et des ballades. McCartney invite aussi une vingtaine de musiciens de rock de renom, tels que Pete Townshend des Who, John Bonham et John Paul Jones de Led Zeppelin, David Gilmour des Pink Floyd, et à faire partie de son orchestre, de son rockestra, avec lequel il enregistre l'instrumental Rockestra Theme que vous connaissez, puisque c'est le générique de l'émission, et So Glad to See You Here, qu'on entendra peut-être, si vous êtes sage, vers la fin de l'émission. On retrouve aussi The Broadcast, une pièce expérimentale où une mélodie jouée au piano et orchestre accompagne la lecture d'un texte tiré du livre de The Little Man de John Galsworthy et lu par Harold Margary, propriétaire du château Limpton dans le Kent, datant du XIIe siècle, dans lequel le groupe travaillait. Sa femme, Diedre, a également lu un extrait, cette fois, de la chanson de Poodle and the Pug, tirée de l'opéra Big Ben, sorti en 1946. On peut l'entendre sur le morceau Reception. Bien que Goodnight Tonight, sorte de disco rock sorti en single en mars 79, connaisse un succès public, Back to the Egg, quant à lui, ne fait pas l'unanimité. Il n'est pas sur l'album Goodnight Tonight, et c'est dommage. Si la critique est mitigée, l'accueil public s'en ressent au point de vue des ventes, se classant à la modeste 6e place au Royaume-Uni et à la 8e place aux États-Unis. Les estimations de ventes mondiales à l'époque sont de 3 500 000 exemplaires. Excusez-moi. C'est vrai que quand on a été Beatles, on a envie d'être premier, et n'importe qui a sans doute envie d'être premier, mais être sixième et huitième, c'est quand même pas mal. En 1995 et 1996, les Beatles, les trois Beatles restants, se sont regroupés pour sortir les anthologies des Beatles, et ils ont fait trois chansons qui étaient à l'origine de John Lennon, ils ont travaillé trois chansons. Deux sont sorties, Free as a Bird et l'autre chanson, Real Love. Mais la troisième, Now and Then, n'est pas sortie parce que ça ne satisfaisait pas George Harrison. Alors, d'où vient ce que j'ai ? On laisse entendre que l'équipe de McCartney aurait laissé passer ça de façon à ce qu'on puisse en profiter. Et c'est tant mieux parce que Now and Then, je trouve, même comme ça, c'est très très bien. Et je vous le propose ce soir dans la saga des Fab Four sur RIG 90.7. La saga des Fab Four, c'est la radio des Beatles sur RIG. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see, shame. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. Cette chanson a une histoire. On savait que dès 1968, les Beatles ont commencé à se chinoiser un petit peu, à se chamailler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Se chamailler un petit peu. Et à un moment donné, Ringo Starr en a eu marre. Il avait l'impression que les trois potes se comprenaient, mais que lui, il était laissé de côté. Alors il est parti quelques jours. Il est parti en vacances. En plein enregistrement, il est parti et il est monté sur un bateau de pêche avec un copain à lui qui a fini par lui raconter d'abord des trucs et lui faire manger de la pieuvre. À partir de là, il est parti dans un truc complètement dingue avec cette chanson Octopus's Garden. Et n'oubliez pas les paroles, il dit à un moment donné No one there to tell us what to do. Personne là à nous dire quoi faire. Parce qu'à ce moment-là, depuis 1967 à peu près, il y avait un certain Paul McCartney qui avait repris le dessus du groupe, qui était constamment derrière tout le monde en train de dire « Allez, on fait ça, on fait ci, on fait ça ». C'est vrai que s'il n'était pas là, ben apparemment les autres, ils étaient bien chez eux, ils étaient bien tranquilles. Donc même lui, Ringo Starr, le gentil, en avait un petit peu marre. Et lorsqu'il est revenu finalement au studio, il avait sa batterie couverte de fleurs et on lui a dit mais Ringo, on t'aime, rassure-toi, on t'aime. Et il est revenu pour de bon jusqu'à la fin. Voilà la petite histoire de cette chanson Octopus's Garden qui est sortie l'année d'après, en 1969. Ça, c'est George Harrison, Save the World, en 1981. May want to use it. So far we'll see this planet straight out with a beauty. You gotta save the world. The Russians have the biggest shirt. There are fingers everywhere. We gotta save the whales. Greenpeace, they tried to defuse it, but dog food salesmen persisted.

Chanson simple et très entraînante de George Harrison sur l'album Extra Texture, Read All About It. Je vous ai déjà donné l'origine du titre de cet album, tout simplement. C'est franchement simple. Il a toujours eu du mal, George Harrison, à trouver le titre d'une chanson ou le titre d'un album. Lorsqu'on lui a dit quel est le titre de cet album, il avait sur lui ou à côté de lui un paquet de pâtes sur lequel était écrit Extra Texture, Read All About It. Il a dit, bah tiens, voilà, c'est ça le titre. Ça n'a aucun rapport avec l'album, mais c'est un titre. Voilà, c'est pour ça. Et on passe de You à To You, qui est sur l'album de la semaine. C'est l'album Back to the Egg de Monsieur Paul McCartney. Qu'on ait que deux heures d'émission, parce qu'à chaque fois que je passe cet album-là, je n'ai toujours qu'une envie, laisser courir le disque jusqu'au bout de façon à l'écouter en entier, parce que franchement, c'est un album qui mériterait d'être appelé un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs de Paul McCartney, même si Paul McCartney lui-même prétend que, ben non, c'est pas un de ses meilleurs. Eh bien, moi, si, je dis que oui. Allez, on passe à la rubrique, vous savez, les chansons chantées par John, Paul, Ringo, George, qui ont été reprises par quelqu'un d'autre, voire même si c'était eux, les Beatles, qui reprenaient des chansons de leur père. Eh bien là, c'est plus complexe que ça. C'est une chanson qui s'appelle You Can't Catch Me de Chuck Berry. C'est extrait de l'album Rock Rock Rock en 1956. L'éditeur de musique Maurice Levy a poursuivi en justice John Lennon pour violation de copyright et similarité mélodique, entre You Can't Catch Me et la chanson des Beatles Come Together sur l'album Abbey Road, et également pour usage de paroles appartenant à la chanson de Monsieur Berry, comme Here Come Old Flat Top. La poursuite a été réglée à l'amiable

Et je vous l'ai dit, comme il a été chopé et qu'on lui a dit « tu nous dois de l'argent », « oh écoute, je vais pas te devoir d'argent, je vais te donner des royalties en chantant une de tes chansons, même plusieurs », et bien là voici la chanson en 1975 sur l'album Rock'n'Roll « You Can Catch Me » version John Lennon. Catch me. she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love to last forever. It's a love that has no past. Sleeping. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Dans un peu plus de 30 minutes, ce sera Eric, l'éternel Eric, le fantastique Eric, avec son émission Johnny de A à Z. Et il me laisse croire que c'est un live, puisque c'est le premier mercredi du mois. Et lui, c'est toujours un live, donc ce sera certainement totalement génial. Je vous propose la suite de l'album Back to the Egg, avec deux chansons à la suite, en fait quatre. After the Ball, Million Miles, Winter Rose, Love Awake, à la suite parce que c'est trop bon pour s'en priver. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall, you were the one who would love me after the ball. The room How many million miles deo? When I get up, up, up in the morning, oh Lord, I know. When c'est encore du McCartney. RIG 90.7, la radio des Beatles. Set it free, you and me, love away.

Début d'émission, la saga des Fab Four, c'est de 1962 avec Love Me Do. Quelquefois, on tripatouille un petit peu avant, ça arrive. Jusqu'à maintenant. Eh bien, maintenant, c'est Ringo Starr, par exemple, qui est en train de sortir un nouvel album. Un petit album. Il a plus envie de faire des albums de 10-12 chansons. Il nous sort des 4-5 chansons, etc. Mais quelquefois, deux fois dans l'année. Donc voici un album qui va sortir, je crois, au mois d'octobre, mais dont on a déjà le premier 45 tours. Il n'y a que 4 chansons, et là, sur cet album-là, c'est fort peu. Voici World Go Round, le nouvel album de Ringo Starr sur RIG. We don't make the world go round and round.

qu'est-ce que j'aime cet album. C'est l'album Back to the Egg. On termine l'émission déjà, oui, oui, il nous reste 6 minutes, avec deux Ringo Starr. Le premier, c'est une chanson extraite de l'album Rotogravure en 1976, que j'aime beaucoup. You Don't Know Me At All. C'est cool, c'est tranquille. One, two, three, four. on Apple Records and tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. C'est fini. Oh, bah, c'était pas mal, hein, quand même. Je vous remercie beaucoup. Je sais que je vous laisse entre de très bonnes mains, celle d'Eric. Et je vous dis à très, très bientôt. Salut. C'était la 532e édition de la saga des Fab Four. Et on continue la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ciao.